et toi, les rimes vibrent, un esprit libre et toi, les livres, le hip-hop quand t'achètes du bon même si toi, pas chanceux dans la vie mais hargneux et toi, tu dois d'avoir le doigt D face au MST et autres chiens en culeur et mauvais goût avant de finir goûter, couleur de scène, micro et pisse, la haine, la négro qu'on pisse, ailleurs dans la liste pour toi, je suis l'artiste ça, libère mon cœur MC, à la hauteur pour toi, tonton, toi et tes potes déportés dans mon délire et après si c'est tout, t'es ici des problèmes, ça t'a fait forger des évictés parmi ceux qui sont vieux des extraits de naissance et futures nuisances, c'est toi trop typé, pas d'ici, trop ici et pas le type briqueté, même cafard que les autres et tu me ôter la crasse, la classe sociale en place, à toi, toi, rêveur à ta santé, mon public, elle déclic pour ma clique et dictée, COMIT, véridique sur ma zik et je trahis pas mon public, en somme nous, pour vous, tu capes le trip, me voir en clip, lyrics illicites, on récite vite, HM vide, chargeur de flou et rime, des impacts et des cibles, des vieilles traces sur bobine, vous nous consommez, HF de l'île, COMIT, mon public, les bras se lèvent, de gauche à droite, vous la foule, HF, nous, on donne tout, pour vous, lève ta main en l'air, public, avec ou sans sous, okay. Rap français, okay. C'est pour mon public, et les frustrés se cassent les chicots sur les instrus, des textes condensés, et c'est pas dansant, demande à mon public, fric, prison et décès, cul-fard dans le sang, public, pour les concernés, HF et tous les concernés, on devient vite des ennemis, des malfrats sur bande sonore, tous avertis, un suivi d'enculé, merci public, et nique le reste, clic, clic, des coups d'index, ça pue la poudre, HF, tu sais tout droit venu de là où ça chauffe, de la musique sale et quelquefois des notes fausses, public, et un besoin d'appartenance, 9-2, HLM et nique la France, les incarcérés, public, les mecs qui veulent se barrer, public, les bons garçons, public, les mauvais qui mouillent pas dans leurs caleçons, public, et le buzz en rotation, pendant que les traites se touchent, du sou en boucle, pour mon public, du bouche à oreille, l'équipe à nos sentinelles, public, et c'est pour vous, mon public, les bras se lèvent, de gauche à droite, vous la foule, HF, nous, on donne tout, pour vous, lève ta main en l'air, public, avec ou sans sous, soutien de mon public numéro 1, famille et potes, le cercle se ferme et se restreint. La jalousie, les haineux, l'hypocrisie et envieux, on rime précis et prescrit, un bon RAP, v'là l'enjeu. J'entends au loin les rires de tous ceux qui veulent nous pourrir, F dans le rap nous voir mourir, ou courir pour de petites sommes, HF vient nourrir votre HIP, HOP, détraqué, plaqué. C'est encore pour vous public, on alimente les samples HF, combinaison unique, on réplique au clash, équipe CO, MIT, clic, unique, et c'est dans le son que tout s'explique, mon public, les bras se lèvent, de gauche à droite, vous la foule, HF, nous, on donne tout, pour vous, lève ta main en l'air, public, avec ou sans sous, mon public, les bras se lèvent, de gauche à droite, vous la foule, HF, nous, on donne tout, pour vous, lève ta main en l'air, public, avec ou sans sous, mon public, les bras se lèvent, de gauche à droite, vous la foule, HF, nous, on donne tout, pour vous, lève ta main en l'air, public, avec ou sans sous. ma voix au chrome pour les gars réglo, illégaux et ceux qui chôment. Ma peau toujours haïe, je faillis quitter ce pays. Le syndrome de l'homme qu'on déracine, on nous bassine d'insécurité. Pourtant ils veulent qu'on fricote avec un PEP, CAP. Pourtant ce temps je plotte quelques petites sottes à chaque souper. S'il vous plaît coupez, je me replie dans 9-2, un dieu qui me plaît. Les suspects, j'ai visé le froid chemin aîné. Pas encore trouvé le bulle, mon son à l'effet d'un pare-choc sur tes rotules. Et postule à être MC, reconnu pourtant, détenu par l'euro. Moi et Mamadou, Couton en France, c'est pas les vrais héros. Sont nos pères et mères, ils méritent une cape. Quel bled pour chercher l'Eldorado. Scoop inédit, HF, tu goûtes juste un atome. Fais-toi une idée du boom boom et symptôme. J'amène une nappe lacrymo pour ceux qui gazent et mettent l'œil. RAP dans la moelle osseuse, PO, chant pas aisé. On cherche la vie easy, donc misez sur nous. Des impacts, des zones détruites, des gouttes de flouin, des cordes vocales aiguisées. Initié, à ne pas dire oui, missier. J'crache le verbe sale et chipote pas. Toi et tes potes, t'as la critique, on est disque de métal. J'ai pas attendu le silence pour faire du bruit. HF dans le bunker, street 92. Des salaries, nos grosses cartouches. Avant le chaos, on vient baiser dans vos partouts. Forgé dans le même métal, HF auditif létal. J'traîne dans la culasse et le canon t'embrasse. Style libre, écriture dans la jungle. Des broussailles, un 16 et un flingue. 92 fer, j'te pousse à la conso, tu suis et tu relais. Nike sur trottoir, baggy pour le P38, mais baston sans pourboire. Des liasses et des élastiques, HF on partage à la balistique. Gants latex, mets de la poudre sur ma veste. Coupable depuis mon premier texte. Big Bang et tout recommence. Morceau sur morceau, ma musique noire corbeau. Destruction tape et compile. Hôtel Foxtrot, on enquille pour les puristes. Putain, métropolitaine poésie dans mon cubain. De la chatte de chienne aux pieux. Bouli des substances, DGX vieux. Des fines gâchettes à la roulette russe. Team Boot Safari, Bruce Kaké, Tolki, 1-2-1-2. Tous fabriquent dans le bunker. Bombardier, bombe sale au-dessus des villes. La mort au bout de nos titres. À nos casques lourds, haute fréquence. J'ai pas attendu le silence pour faire du bruit. HF dans le bunker, street 92. Des salaries, nos grosses cartouches. Avant le chaos, on vient baisser dans vos pas. J'ai pas attendu le silence pour faire du bruit. HF dans le bunker, street 92. Des salaries, nos grosses cartouches. Avant le chaos, on vient baisser dans vos partouches. J'ai pas attendu le silence, HF.